Bonjour, voici le 78e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous vous est présenté par les Nous. Vous allez entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Cette semaine, nous allons parler de trucs que j'ai regardés durant ou après le temps des fêtes 2021-2022. Le fait que j'en parle vous donne un indice sur le nombre de temps ridicule avant qu'un épisode ne sorte entre le moment où je vois le sujet dont je veux parler, prends des notes sur le sujet, enregistre l'épisode, le monde, et attendre le jour où j'ai passé les précédents épisodes. Heureusement tout de même que j'ai un backlog, car je suis loin de faire un épisode toutes les semaines ou toutes les deux semaines maintenant. Que cela ne vous empêche pas de nous écrire un courriel. On devrait voir les nouveaux courriels bien plus proches de l'enregistrement des épisodes que le moment où je prends mes notes en prévision de l'enregistrement. Donc, je vais commencer par parler du Bye Bye 2021. Oui, c'est un sujet très actuel. Le Bye Bye cette année revient à nouveau sur la pandémie, bien sûr. Plusieurs sketchs m'ont fait rire. Je pense notamment à celui sur Dega Fitness, celui sur le centre de vaccination, à Bye Bye les malaises, au Working Dead, au nouvel acteur pour reprendre le rôle de James Bond, à celui sur la difficulté de s'acheter une maison, ou à celui sur la construction. Mais aucun ne m'ont fait écrouler de rire en tournant sur moi-même sur le plancher, avec des sketchs dont je me rappellerai toujours, comme en 2019, avec les producteurs du lait, le sketch des Chicken Swell sur une inondation, et les fils influenceurs, et le fils influenceur, mais ce reste tout de même un bye-bye assez marrant. Pour ceux qui se souviennent de mes notes, qui sont sur 5, je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 sur 5 à un divertissement honnête, un 2 sur 5 à une œuvre moyenne, un 1 sur 5 à une œuvre mauvaise et un 0 sur 5 sur une nullité absolue. Donc, je donnerai à ce bye-bye une note de 3 sur 5. Un autre effet qu'a eu ce bye-bye, c'est qu'il m'a donné envie de voir la série que je veux mentionner maintenant, c'est-à-dire Squid Game, une série sud-coréenne de 9 épisodes signée Wang Dong-hyuk, produit par Netflix. Pour Netflix. Cette série a eu un succès phénoménal, et donc j'avais de gros a priori, surtout peur d'une série aussi populaire qui semble avoir un sujet assez peu original après le succès des films Battle Royale et Hunger Games, mais c'est réussi. La durée de la série, assez courte, l'aide sans aucun doute. Dans le premier épisode, un paquet de personnes fortement endettées sont enlevées et forcées de participer à une version mortelle d'un traditionnel jeu d'enfant. Les joueurs survivants seront laissés libres dans le second épisode, mais la majorité des joueurs vont revenir devant leur misère pour continuer avec les autres jeux. Il y aura un total de 6 jeux, dont sortira un gagnant qui ramassera un tas d'argent. Je n'en dévoilerai pas vraiment plus, si ce n'est que pas mal toute la série est présentée du point de vue de l'un des joueurs, le personnage principal, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a aucun autre personnage qu'on approfondit. C'est très bien fait, assez stylisé, et comme pour Battle Royale et Hunger Games, je ne crois pas que la violence ici soit réellement gratuite. Par moments, même si ça ne raconte pas du tout la même chose, ça m'a fait penser un peu à Old Boy, excellent film, peut-être de la part de la cinématographie, quoique en fait ce soit assez différent, avec un tas de personnages masqués et un tas de personnages habillés de la même manière, une image de groupe formatée, sans oublier l'inégalité, jusqu'où peut se rendre l'homme, etc. J'ai apprécié la fin, qui reste ouverte, mais qui est tout de même réellement une fin. N'appelle pas obligatoirement à une suite. La suite ayant été signée, on peut se demander si ce sera aussi bien, on peut avoir peur, mais pour ce que donne cette saison, c'est du tout bon, qui se mérite un 4 sur 5. C'est vraiment excellent. J'ai aussi vu Marie et la fleur de la sorcière, le premier film du studio Ponoc, réalisé par Hiromasa Yonabayashi, réalisateur de deux films du studio Ghibli, Arrietty et Souvenir de Marnie. Quand le studio Ghibli semblait fermer ses portes, pour le moins cesser de réaliser de nouveaux longs-métrages en 2014, plusieurs sont partis ouvrir le studio Ponoc pour y continuer la tradition. Au final, Ghibli n'a pas vraiment fermé, avec la coproduction du film européen La Tortue Rouge et surtout la sortie de la retraite de Hayao Miyazaki en 2016, qui travaille sur un film depuis, tandis que parallèlement, son fils Goro a fait un film CGI de très mauvaise réputation, mais rien n'est fixé concernant le futur du studio et il est tout à fait pertinent de continuer ailleurs la tradition de produire des longs-métrages familiaux de très grande qualité, avec un staff ayant déjà fait ses preuves. En bonne partie provenant du studio Ghibli, on pouvait s'attendre à quelque chose de très beau. Mais cela ne signifie pas que ce serait excellent pour autant. On ne s'improvise pas Ghibli, et aussi talentueux que soit Hiromasa Yonabayashi, il n'est tout de même pas Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. Je crois que le parti a été relevé visuellement, on reconnaît bien du Ghibli, avec le même genre de design, le même type d'animation qui regorge d'attention aux détails, de superbes décors, de très jolies couleurs, des personnages hauts en couleur et un continuel émerveillement, que ce soit du quotidien ou du fantastique. L'histoire est très mignonne, tout à fait réussie, une petite fille cherchant toujours à aider, mais provoquant du désordre plus qu'autre chose, tombe par hasard sur des fleurs magiques qui vont la plonger dans le monde de la magie, lui faire découvrir une école de magie qui cache des secrets un peu plus sombres. Le tout est très bien mené et se mérite un 4 sur 5. J'ai aussi vu Watership Down, un film d'animation britannique de 1978, adapté d'un roman du même nom. Le film fait un peu daté, mais il est tout de même étonnant, avec un récit un peu sombre et un peu violent pour les enfants. Ce qui n'est pas un mal, au contraire. Un groupe de quelques lapins décide de fuir le terrier parce que l'un d'entre eux est persuadé qu'il n'est pas dans un état normal, qu'un danger inconnu le menace, mais ceux qui dirigent le terrier ne l'écoutent pas. Ils devront se débrouiller dans la nature hostile pour essayer de trouver un nouvel endroit où résider. Un film très réussi, même s'il a un peu vieilli et s'il risque de faire peur aux plus petits. Watership Down se mérite donc un 3 sur 5. C'est un bon divertissement. Lego, le film. J'ai été surpris un peu. Je n'avais pas une très grande attente d'un énième film d'animation 3D ultra commercial gorgé de références pop culture, basé sur une stupide marque de jouets dont je n'ai jamais été particulièrement fan. Bon, je dois avouer tout de même que je n'ai jamais joué à des Lego Star Wars, pirates ou quelque chose du genre dans mon enfance, jusque quelques Lego génériques. Mais whatever. Mais en fait, j'ai assez souvent rigolé, l'humour est sympathique, le casting marche bien, le visuel exploite merveilleusement bien les Lego, l'histoire est assez bien construite, bref, ça marche. Les musiques m'ont surpris aussi, je ne m'attendais pas du tout à ça de Mark Mothersbaugh. Bon, je ne devrais pas être tant surpris après toutes les séries pour enfants pour lesquelles Mark Mothersbaugh a fait de la musique, mais il s'est vraiment bien débrouillé ici. La manière dont l'histoire se résout aurait facilement pu détruire le film, mais ça n'a pas été utilisé de manière trop abusée. Donc, ça va. Donc, Lego le film se mérite un 3 sur 5. The Day After Tomorrow. C'est quoi cette intrigue débile de réchauffement climatique qui provoque un refroidissement extrême de l'Amérique du Nord? Je comprends maintenant l'intrigue d'un épisode de South Park. C'est n'importe quoi, mais comme toujours, le réalisateur Roland Emmerich fait un film catastrophe de manière assez compétente. Rien d'extraordinaire, mais ça marche. Je préfère quand même Independence Day. 3 sur 5. South Park x 2. C'est à se demander si la série de South Park ne va pas se faire remplacer par des épisodes spéciaux après 2 années de suite, où il n'y a pas de saison traditionnelle, mais plutôt 2 épisodes spéciaux. De mémoire, l'an dernier, j'avais bien ri et c'était très approprié avec la situation. Mais qu'en est-il cette année? Est-ce que ça pourrait être une bonne chose? Après avoir fait 2 épisodes spéciaux sur la pandémie, nous avons maintenant 2 épisodes supposément après la pandémie, se déroulant dans le futur et où les personnages principaux sont devenus adultes depuis. Plusieurs gags m'ont bien fait rire, mais force est d'avouer que sur le long terme, ça devient assez répétitif et ça tourne pas mal en rond. Au final, c'est peut-être un peu léger aussi. Ça aurait sans doute été meilleur en tant que 2 ou 3 épisodes au sein d'une saison régulière. Les épisodes auraient ainsi été moins longs et le reste de la saison aurait permis de diversifier les sujets. C'était quand même pas mal, mais ça ne remplace pas une série régulière. Malgré une saison 23 hilarante, on peut bien se demander si les meilleures années de South Park ne sont pas du passé. Bon nombre de gens prédisaient la fin ou le déclin de la série depuis la 20e saison, malgré ses défauts. Je ne pense pas que la 20e saison était si mauvaise. Et les saisons subséquentes ont démontré que les créateurs ont encore du jus, mais on peut se poser des questions face à ces spéciaux. Quelques gags font mouche, mais ce n'est pas vraiment génial. Trey Parker et Matt Stone méritent sans doute de faire d'autres choses. C'est un peu triste pour eux d'être réduits juste à South Park. Ce serait merveilleux quelque chose d'autre dans le genre de Orgasmo ou Team America. Mais bon, au moins ça m'a fait rire un peu, c'est pas mauvais, ça reste très correct, donc 3 sur 5. A Silent Voice. Un film animé japonais sorti en 2016, produit par le studio Kyoto Animation, réalisé par Naoko Yamada et écrit par Reiko Yoshida, d'après le manga du même nom, créé par Yoshitoki Oima. Un petit film qui raconte une histoire assez simple, mais le fait tellement bien avec tant de vérité, tant d'émotion, une telle qualité technique que ça en fait un film merveilleux. Le film met en scène un jeune qui, quelques années plus tôt, dans son adolescence, a boulié une fille de sa classe qui est sourde. Ça s'est au final retourné contre lui, où il a été isolé, boulié à son tour par la suite. Donc, quelques années plus tard, quand il n'a plus aucun ami et a beaucoup de difficultés à socialiser, à communiquer avec les autres, il essaie de devenir ami avec la fille qu'il a maltraitée et va progressivement se mettre à socialiser un peu avec des gens. Bien évidemment, ce n'est pas si facile que ça. Le film n'a pas peur d'aborder des sujets difficiles, de présenter les émotions dans toute leur complexité, et il le fait très bien. Par moments, le film a semblé un peu invraisemblable, mais n'étant pas japonais, je suis sans doute pas à même de commenter le réalisme des situations, et ça me semble un peu étrange qu'une jeune sourde soit dans un groupe normal et non dans une classe adaptée, sans véritable mesure particulière pour qu'elle puisse suivre les cours. Ça ne m'a tout de même pas empêché au final d'éprouver toute la gamme des émotions. Ce film extraordinaire se mérite donc un 4 sur 5, c'est vraiment magnifique. I Saw the Devil. Incroyable, un film sud-coréen sur la vengeance. Ce n'est certainement pas aussi bon que la Vengeance trilogie de Park Chan-wook, surtout Old Boy, mais ça ne signifie aucunement que c'est mauvais. I Saw the Devil est d'ailleurs sans doute plus près des deux autres films de la trilogie au final, même si ce n'est pas du tout la même chose. C'est un film de Kim Ji-woon, d'après un scénario de Park Eun-jung, sorti en 2010. Après le meurtre de sa femme, un homme décide de retrouver le meurtrier et de se venger. Malgré un pitch de départ assez basique, le film est intéressant justement parce qu'il n'utilise pas son histoire de la manière la plus prévisible possible. Le film a tout au long de sa durée pas mal de retournements de situation, certains prévisibles, certains pas mal moins. C'est ce qui rend le film divertissant. Ça maintient aussi une certaine tension. Malgré qu'il soit amusant, le film reste toujours dramatique, sérieux, et il contient plusieurs scènes vraiment très puissantes dans leur émotion. C'est vraiment touchant, triste, humain, un peu dévastateur. Certainement pas un film qui nous laisse insensibles malgré la nature de son sujet, de ses personnages et du fait que ça reste un film de vengeance, un thriller, un film de divertissement. Comme tout bon film de vengeance, ce n'est pas vraiment un film à conseiller aux natures trop sensibles, si violent et relativement horrible par moment, mais c'est un excellent divertissement qui se mérite un 3 sur 5. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2022! Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!